L'été de la Saint-Martin par André Theuriet. Cravaté de blanc, correcté, irréprochable de tenue, le député Jean Mauclair vient de passer son habit noir que décore une minuscule rosette d'officier de la Légion d'honneur. En attendant l'heure d'un dîner officiel, il flâne dans son cabinet de travail où flambe un joli feu clair, et il finit par s'étendre rêveusement dans une chauffeuse au coin de la cheminée, tandis qu'au dehors, le roulement des voitures dans la rue berce sa songerie et que les étoiles frissonnent là-haut dans le ciel clair et froid d'une nuit de novembre. Des fleurs d'arrière-saison, roses pâlies et chrysanthèmes jaunes, répandent dans la pièce confortablement chauffée une pénétrante odeur d'automne, une odeur aromatique analogue à celle du regain fauché dans les prés, et ce parfum mélancolique entraîne plus invinciblement encore Mauclair sur la pente de la rêverie. Jean Mauclair a 45 ans. Sa barbe grisonne et les touffes déjà plus rares de ses cheveux prennent aux lumières des teintes givreuses, comme si on les avait poudrées. Si sa jeunesse est loin, si l'âge mûrissant, les préoccupations ambitieuses, les travaux parlementaires ont dégarni son front et plombé son teint, du moins le destin s'est montré soigneux de lui donner des compensations. Tout semble lui avoir réussi. Il occupe dans le Parlement une position enviée. On parle de lui comme d'un futur ministre. Il a fait, voilà bientôt 15 ans, un riche mariage. Ses amis et ses compatriotes ne le désignent que sous le nom de l'heureux Mauclair. Et pourtant, Jean Mauclair n'est pas heureux. Parvenu à cette saison de la vie où l'homme touche à la vieillesse, comme novembre touche à l'hiver, les souvenirs de ses jeunes années lui reviennent avec des bouffées de regrets, et sous l'impression de ces odeurs de fleurs automnales qui s'exhalent tristement comme les dernières brèves haleines de l'été de la Saint-Martin, il a une vision rétrospective du temps lointain où il était maître de sa jeunesse et de sa destinée. Il se revoit à l'époque où, simple étudiant en droit, il revenait aux vacances dans sa province. Il se retrouve descendant la pente caillouteuse qui va de sa petite ville aux prairies, bordant à perte de vue le cours sinueux de la rivière. Il fait un chaud soleil de septembre et on fauche les regains. Au milieu d'un carré de prés, une jeune fille de 18 ans, Reine Bardin, la Reinette, comme on l'appelle dans le faubourg, retourne à coups de fourche les herbes fauchées. Les cheveux au vent, les bras et le cou nus, les yeux et les joues allumés par cette besogne en plein soleil, parfois elle s'arrête, et appuyée à sa fourche, elle contemple, avec des regards noyés de souvenirs confus, la ville qui s'étend là-bas en amphithéâtre, ses maisons blanches et ses jardins, la ville où de belles dames oisives et bien mises se promènent le long des magasins tout chatoyant d'étoffes soyeuses. Jean Mauclair est arrivé dans la prairie, il a grand chaud, et comme la jeune faneuse s'est agenouillée, un gobelet à la main, sur la berge où une source vive glougloute dans les cressons et les rênes des prés. Il salue la Reinette d'un sourire et lui demande un gobelet de cette eau fraîche et alléchante. Reine rougit un peu, écarte prestement les cheveux qui lui tombent sur le front, puis, se penchant de nouveau, elle emplit d'eau pure le godet de fer battu, le tend avec un sourire à Jean Mauclair, et rougit de réchef en baissant les yeux sur sa chemise de grosse toile et sur sa jupe courte d'indienne dont les ronces ont effiloché les bords. Mais le jeune homme ne voit ni la toile bise ni la jupe déchirée et déteinte. Il n'a Dieu que pour la mignonne figure de reine, éclairée par de brunes prunelles limpides comme l'eau de source, pour ses cheveux châtains dont un peigne d'acier mord les torsades épaisses, pour ses bras ronds, sa taille souple et sa jeune poitrine qui gonfle doucement la grosse toile de chanvre. Quand il s'est désaltéré, « Merci, dit-il, je n'ai jamais rien bu de si délicieux. » Et en même temps, il boit avec plus de délice encore le fluide regard souriant qui tombe des yeux clairs de la jolie Reinette. Tandis qu'un rouge-gorge chante dans les pruneliers et que des papillons couleur de soufre voltigent le long de la source, ils se mettent à causer. Ils parlent des oiseaux, des foins coupés, de la besogne des champs, de ce chaud soleil d'arrière-saison qui permettra de rentrer les regains dans de bonnes conditions. Et comme Jean Mauclair parle bien, Reine oublie ses bras nus et sa jupe effiloquée. Elle écoute avec un naïf ravissement les paroles caressantes qui sonnent sur ses viriles lèvres rouges, ombrées d'une fine moustache noire, et le plaisir qu'elle éprouve se reflète dans ses yeux limpides, en dépit des longs cils bruns qui s'abaissent comme pour les voiler. Une heure, deux heures s'envolent et il faut se quitter. À regret, Jean Mauclair reprend le chemin de la ville, tandis que longtemps, la Reinette le suit du regard, sur la route blanche bordée de prunelliers. Du petit cœur de la faneuse, un soupir monte et s'en va par la ville. En même temps, une espérance légère comme un champ de fauvette gazouille au fond d'elle-même. S'il m'aimait, pourtant, s'il m'aimait jusqu'à faire de moi sa femme, on a vu des choses plus étonnantes. Je deviendrais, moi aussi, une dame. Je serais bien heureuse. Cependant, tout en remontant les pentes verdoyantes, Jean Mauclair songe à son tour à la jolie faneuse et se remémore la naïveté de ses paroles, la limpidité souriante de ses yeux, la grâce savoureuse de sa beauté rustique. Élevé sévèrement, il a eu jusqu'alors une jeunesse chaste et studieuse. Pour la première fois, ce soir, l'amour féminin met un trouble indéfinissable dans son cœur novice et lui monte à la tête comme un vin capiteux. Qu'elle est belle, songe-t-il. Comme ses purs yeux de vierge reflètent clairement la simplicité de son cœur. Que ne suis-je tout bonnement un brave faucheur de foin? J'aimerais à faire d'elle ma femme, à vivre obscurément et amoureusement avec elle au fond de quelque ferme verdoyante. Puis la réflexion revenant, il pense aux préjugés bourgeois de sa mère, à la mort gorgueilleuse de ses sœurs mariées de solennels magistrats. Il se figure leurs cris de réprobation et leurs mines scandalisées s'il leur annonçait son mariage avec une paysanne. Redevenu raisonnable, il secoue la tête et ferme sagement son cœur à la pensée de Reinette Bardin. 20 ans se sont passés. Jean Mauclair a recueilli les fruits de sa précoce sagesse. Il est devenu un personnage politique influent et, selon le vœu de sa mère, il a fait un brillant mariage. Il a un hôtel boulevard Haussmann, il donne de merveilleuses fêtes que les journaux racontent tout au long en première page, et lorsqu'il parle à la chambre, les tribunes sont pleines à crouler. Mais Jean Mauclair n'est pas heureux. Il a épousé une femme sèche et mondaine, coquette à froid, tête vide et frivole, qui ne l'aime point et dont les flancs sont restés stériles. Sa maison sans enfant est bruyante sans être joyeuse, son foyer sans chaleur, sa vie, où il n'y a rien pour le cœur, est maussade et aride, comme une lande déserte. Et tout en tisonnant dans son cabinet imprégné de l'odeur pénétrante des fleurs d'automne, Jean Mauclair songe « Ah, que ne suis-je libre ! Libre et jeune, comme en ce jour de septembre où je m'arrêtais dans la prairie, près de cette paysanne qui râtelait son foin. Toutes les satisfactions ambitieuses que j'ai eues ne valent point le charme que j'éprouvais alors en causant avec cette jolie faneuse à la robe déchirée. Les feux follets de la gloire ne sont que de pâles lueurs auprès du radieux soleil qui inondait la prairie par cet après-midi d'automne. Les vins rares et généreux qui emplissent ma cave, je les donnerai tous pour une gorgée de cette eau pure que je bus alors dans le gobelet de fer battu de Reinette Bardin. Dans ces fêtes officielles où je traîne mon ennui, je ne vois rien de comparable aux splendeurs de la vallée avec son ruisseau bordé de reines des prés. Pauvre Reinette, on m'a dit qu'elle s'était mariée elle aussi, avec un homme rude et brutal, que de nombreux enfants grouillaient devant sa porte, et qu'elle n'avait pas la vie heureuse. Elle est maintenant déjà vieille et flétrie. Et le soir, dans ce logis étroit et enfumé, peut-être songe-t-elle à son tour à cette herbe qu'elle retournait si gaiement au soleil, à ces bonnes heures de causerie près de la petite source où elle trempait ses bras nus. Et tandis que son homme, au coin de l'âtre, sommeille, la pipe entre les dents, peut-être à son tour, se dit-elle, qu'elle aurait pu être l'épouse aimée et aimante de cet étudiant aux cheveux noirs qui s'était arrêté à lui parler dans la prairie. Il aurait pu en être ainsi. Triste mot à remâcher dans le vide, quand l'occasion manquait est loin, quand la jeunesse a disparu, quand l'irréparable se dresse devant nous avec son cortège de regrets stériles et de souvenirs fanés. Il y a un moment où nous sommes les maîtres de nous forger à nous-mêmes notre destinée, mais ce moment est rapide, comme ces coups de soleil qui courent sur les champs, et si nous le laissons s'évanouir, nous ne le retrouverons jamais plus. Quand l'arme du chasseur hésite, l'hirondelle, dont le fond du ciel bleu s'envole à tire-d'aile. La prairie s'étend toujours là-bas au soleil, le long de la rivière bourdonnante. Mais ni Reinette ni Jean Mauclair ne s'y retrouveront plus jamais ensemble. à la place de ce gobelet d'eau pure demandé et offert avec tant de joie, ils ne boiront plus à la coupe amère de la vie, que le dégoût de l'heure présente avec l'inutile regret des brèves floraisons qui auraient pu s'épanouir, et que l'irréparable a fauché. Jean Monclair en est là de ses méditations quand on frappe à la porte, et un valet de chambre correct et impassible dans sa livrée de gala interrompt brutalement la rêverie du député par ces mots qu'il prononce d'une voix d'automate. « Madame fait dire à monsieur qu'elle est prête et que la voiture est en bas. » Ainsi s'achève l'été de la Saint-Martin par André Theuriet.